Si une voiture heurte un piéton à 30 km/h, les chances de survie du piéton sont environ de 50% réponse A, 70% réponse B, 90% réponse C.